un peu plus loin chaque jour. Même si la peur souvent me prend dans ses bras, il parle de réussite, on a parfois l'amour. Souvent je décide donc je reste sur mes gardes. J'ai joué tous mes coups, y'a plus de bénéfices. On a coupé les ponts, on s'est jeté dans le vide. Je pensais que ça irait, chaque matin ça recommence. Une douleur dans le thorax m'empêche de respirer. J'ai ce qui me fait vibrer, seulement la musique. J'ai tant à vous dire mais souvent je balbutie. J'hallucine, le mensonge me rassure. Faut que j'arrête de rêver, je suis ce garçon immature. La vie m'a tout pris, je me suis voilé la face. Mon monde imaginaire n'est qu'un château de cartes. On grandit croyant que ça va durer. Moi qui pensais que la passion perdurait. La vie frappe, la vie blesse, la vie percute. La vie nous fait du mal sans excuse. On l'aime, on la déteste, on ne fait que douter. Je pensais m'en sortir dès que j'étais tout prêt. Proche de la fin, sûrement qu'on réalise que le poids des années nous aide à toucher terre. Pas sur la bonne voie, je ferme mes valises. Malheureusement, désormais tout est clair. Le vide m'a attiré. Du coup, souvent j'y plonge. J'ai l'impression que souvent je me perds dans mes pensées et mes songes. Et chaque fois, on se rassure avec de jolis mots. Ça nous rend plus forts, mais on va pas refaire le monde. Les années passent, chaque jour on se rapproche de la fin. C'est pas la mer à boire, mais la vie nous rend dingue. Et chaque fois, on se rassure avec de jolis mots. Ça nous rend plus forts, mais on va pas refaire le monde. Les années passent, chaque jour on se rapproche de la fin. C'est pas la mer à boire, mais la vie nous rend dingue. Cherche à trouver sommeil, pas sûr au départ. On était parti péter la prod qu'on prépare. C'est la tournée du chef, t'as pas trouvé le budget nécessaire à ta villa, tapisserie s'écaille. Éthanol en pédave pisse. Préparons la pâte fine car ces pastis m'endorment. Père pas le nord, on s'égare vite. Éparpillé sur parvis car fait mardise l'emporte. J'ai pas mis l'empoche, la rime au bord des lèvres. Kétamine en gorge, les gamines en danse, les restes dans ses rêves percés. Jeunesse perdue, perpiante, c'est les terres quand l'ivresse perdure. Fur mes démons, suivrez-vous le chemin. Épuisé dès l'aube, j'étouffe seul, j'insiste. Vu les saisons, nier les raisons d'être sous pression. Paradoxalement, mes douleurs m'inspirent. C'est l'aventure d'une vie, dit la roue est fort. Gros effort, c'est qui fait qu'avancer, promet l'or. Quand l'attente fait ses preuves, on est posé là. Ou carence et raideur font que j'expose mes torts. C'est l'aventure d'une vie, dit la roue est fort. Gros effort, c'est qui fait qu'avancer, promet l'or. Quand l'attente fait ses preuves, on est posé là. Ou carence et raideur font que j'expose mes torts. Silence, la faucheuse à mes trousses. J'y pense fort comme Harry, j'en ai douce. Misanthrope, on a bu à vignard sans connaissance de cause. On a fumé la mort. Apprécier les basses, la bosse qui grésille. Sa vie 5 étoiles, les techniques du Brésil. Tu crépites comme la flamme qui est en moi. Le crédible, si la cam est en moi. Je vois que leur langue est en bois. Le meilleur combustible pour ma flamme olympique. Veulent être couronné roi. Bob Lunette à l'étroit qui est de la ville. À l'étroit du bon côté de l'affiche. Allez croire qu'on est juste scénariste. Multisyllabique, on sait faire, mais je m'écarte du sujet. Je suis pissé sous terre, mais ils comptent m'enterrer. Fumée blanche dans la pâte, on est parti pour fêter. Alcool dans ses pages, dans ton creux sur le P2. Si tu veux le faire, fais-le. J'enfile mon hoodie pour barauder la nuit. Je marquis mes soucis, tu parodies ta vie. Je raffole de la zik à but non lucratif. Quand le sample est classique, sans prétention, on s'applique. Rappelez quand s'allume la bougie, quand ça fume dans l'ogie. Griller les fusibles un par un. Paris réussi m'a frappé ta parole. Et chaque fois, on se rassure avec de jolis mots. Ça nous rend plus forts, mais on va pas refaire le monde. Les années passent, chaque jour on se rapproche de la fin. C'est pas la mer à boire, mais la vie nous rend dingue. Et chaque fois, on se rassure avec de jolis mots. Ça nous rend plus forts, mais on va pas refaire le monde. Les années passent, chaque jour on se rapproche de la fin. C'est pas la mer à boire, mais la vie nous rend dingue. L'esthétique prime dans le monde où je vis hystérique. Les gens friment pour du fric, c'est terrible. Te regarde, te souris, mais se fiche de savoir les galères qui t'arrivent tous les jours dans ta vie. Alors je fais de mon sac au lieu de vider des poches. Et c'était mes proches qui t'ont regretté mon sort. Et ce sera réciproque jusqu'à ce que mes démons sortent. Malheureusement, le love apporte son lot de tort. Qu'une triste parole lancée en l'air. Le pactole ta guiche, mais le butin sera maigre. À s'en couper les lèvres sur des caissons de bouteilles. On a regretté nos rêves face au bulletin de salaire. Allez, putain de leur mère, vous laissez payer ma tête. Les putains de leur mère, vous laissez payer ma tête. L'enrichissement personnel ne demande pas d'oseille, même si bon nombre d'imposteurs te diront le contraire. Ah. Reste brave et ne pèse pas les bras. Ne rate pas l'occasion de diriger la marche. Elle te laissera des marques, seul le temps efface. Peu importe la démarche, véhicule le message. Rappelle-toi que depuis le début, tu voulais que tout ça se passe. Que le prix des efforts vaut mieux que voler leur place. On a visé la lune pour frôler les étoiles. On a redoublé d'efforts, quitte à se bouffer les doigts. Chaque fois, on se rassure avec de jolis mots. Ça nous rend plus forts, mais on va pas refaire le monde. Les années passent, chaque jour on se rapproche de la fin. C'est pas la mer à boire, mais la vie nous rend dingue. Et chaque fois, on se rassure avec de jolis mots. Ça nous rend plus forts, mais on va pas refaire le monde. Les années passent, chaque jour on se rapproche de la fin. C'est pas la mer à boire, mais la